couleur bleue de Prusse, est-elle café russe, où de temps en temps nous allions. L'accordéoniste était seul en piste, avec son air de presque rien, l'on ne voyait même pas ses mains, oui ses mains d'artiste, accordéoniste, mais qui vous fauche les vodkas, sitôt qu'on regardait là-bas. C'est fou de commencer une émission aussi rapidement. Rénal, ça fait combien d'années que tu fais ça, cette émission-là? Si je compte tous les cheveux blancs que je me suis arrachés pour avoir l'air jeune... Oh mon Dieu, tiens! On sent la coquetterie. Ouais. La coquette, parce que je me suis acheté un poisson berger allemand. Voyons donc, toi, c'est pas une race, là. C'est des croix, il faut pas parler sur le trou. Approchez-vous de la radio. Pour comment ça? Parce que c'est un... Stéliciste! Pardon? Stéliciste! Et monsieur? Si, on n'a pas le droit de faire ça. Comment ça? C'est interdit par la loi. La loi, ce que la société nous amène comme droit, hein, ce que la société nous dit de faire ou de pas faire, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est beau, ce qui est pas beau, c'est ça. Puis donc, un poisson berger allemand, c'est pas légal. Primo, parce que c'est pas très beau. Deuxio, parce que c'est très sauvage, un poisson berger allemand. À travers son... Parce que tu dois le placer, bien sûr, dans l'eau. C'est un poisson. Voyons donc, toi, ma tortue. Hey, c'est pas parce que la tienne, tu la gouttelettes à chaque 15 secondes que ça va faire quelque chose de beau, là. T'es en train de sécher ta tarte. Mais... C'est pas de longueur, c'est de l'eau. Je sais que c'est rationné. Hey, saviez-vous qu'en 2019, toute l'eau, toute la pluie sera calculée à la gouttelette. À la gouttelette! Pas au millilitre, pas au litre, à la gouttelette! Donc, ça va créer de l'emploi. Le premier compteur de gouttelettes, c'est qui? C'est lui! Et monsieur! Moi, je vais être là avec ma calculatrice, là. Laissez-moi vous dire que si on me dit, tu vas te placer là, mon petit champion, hein, à la maison 4327, 3e avenue à Québec. Enlevez un chiffre. OK! 405, 3e avenue. Place-moi là avec ma frère. Moi, te compter ça, la gouttelette. Oui, mais c'est quoi? Plus ça! Y a pas de cœur là-dedans, là! Mon travail est en jeu, là. Mon avenir, mes enfants, mes femmes. Oh, vos femmes? Mes femmes, j'ai des femmes. Moi, les femmes, j'ai des enfants. Moi, faut que ça vive, ça. Faut que ce soit heureux. Puis pour être heureux, faut avoir de l'argent. Pas d'argent, pas de bonheur. Le bonheur, c'est gratis. C'est gratuit. C'est gratuit. Voyons donc, l'innocent, là. Reste-tu au Québec, là? Reste-tu quelque part sur la planète? Hein? Peut-être que dans ta lune, là, ça prend pas une maudite scène pour vivre, là. Mais zut, là, pis t'en as, pis t'es heureux, là. Pis si t'es pas heureux, là, on va te faire croire que si t'as fait ça, tu vas l'être. Ben là, moi, j'ai rien. Ouais. Ben, j'ai pas grand-chose. Ouais. Ben, je voudrais avoir plus. Ouais. Ben, je suis heureux. Heureux, hey. On va analyser c'est quoi le bonheur. Pardon? On va analyser c'est quoi le bonheur. Le bonheur, c'est de se coucher tôt. Tu couches de bonheur, tu vas voir, toi, avec les réflexions que t'as, là. Tu risques de pas de rester réveillé longtemps. Comment ça? Tu vois, ouais. Non, provoque-moi pas. Je te provoque pas? Non. Hey, on t'entend pas très bien. Non, moi, regarde. Je la gorgeonne, là, qui... Puis, enlève-moi pas de mon idée première. C'est moi le premier compteur de gouttes. Là, les animateurs vont rentrer à ces CRL, là, hein? Les coéquipiers, comme tu les appelles, les coéquipiers, ceux qui font les co-animateurs, les chroniqueurs, les chroniqueuses, les chroniqueuses, tout ce monde-là, là, l'hiver, là, toutes les gouttelettes qui vous tomberont du nez, moi, comptez ça, là. Ça va vous coûter cher. J'espère que vous allez être membre de ces CRL. Si vous l'êtes, ben là... Vous venez voir Rénal, une petite entente entre nous, là. Non, je suis parlable. Voyons donc, toi, je suis pas un énergumène qui va vous faire payer pour rien. Depuis quand je vais payer le monde pour rien, moi, là? Hein, allô? Non, mais c'est important de compter. S'il vous plaît, appelez-moi pas, comptez pas sur moi, parce que moi, en dehors de mon travail, là, je sais plus rien. C'est comme lorsque t'es commis devant une caisse, t'es brillant, derrière le comptoir, là, mais en avant, quand t'achètes, t'es comme n'importe quel imbécile. Ça coûte combien, monsieur? 1,58$. 1,58$, là, les scènes noires ne comptent plus. Non, mais tu peux arrondir. J'arrondis 58$. Rapidement, je retiens rien, j'ai plus rien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis commis. Ben, je suis un commis. Un commis. Lâche-moi. Je te lâche pas, là. Ah, ouais, c'est pas parce que je te prends par la gorge que je t'arrache ta chemise que je te prends, là. Non, mais il y a de la violence, puis même le brozo... Oh, et c'est le personnage, c'est le même personnage! Je pensais que ça allait faire divergence. La divergence n'est pas de ce monde. Oui, mais elle n'est pas ici. Ah, elle est partie où? Ça, faudrait demander à mon JP. JP! Attendez, on va l'appeler, là. Mets l'éco-bido. JP! GPS! GPS, GPS! Mon GPS, écoute-moi bien! Tu sais comment je m'appelle, moi, là? Comment les signifiants? Ah ouais, toi, on sait que pour qui tu vas voter, hein? Mon DDC total! Mon moins que rien profond, là, viens ici! Il y a de la violence dans l'air. Tirez le pot. Ce soir, il y a de la violence dans l'air. Et moi, je me cache derrière le noir. où est la poursuite? En haut de l'écho. Je vois ton sale boulot. Tu cherches à m'encercler. Mais pourquoi ces deux doigts dans le nez? C'est pour rimer avec, excusez-moi là. Moi, j'aurais pu faire nénuphar, mais là, le garçon est en haut, qui capte mon visage, qui semble tout à fait abstrait, comme les œuvres de Francis Bacon. Deux œufs cuits bacon avec Francis, s'il vous plaît. Francis et Sébastien? Pas de Sébastien. Bacon. L'autoportrait de Bacon. Assis sur sa chaise. Et monsieur, hein? Il souffle. Attends un petit peu, là. Moi, là, je suis pas grand-chose dans le monde, là, mais tu me dis bacon. Oui. C'est pas du porc. Du porc. Ben, c'est un porc intéressant, là. C'est pas un porc USB. Je comprends pas, lui, là. Il est pas dans le monde informatique, là. C'est-à-dire que, non, attends un peu, on va t'évaluer, là. Non, on va prendre notre temps. On est calme, excusez-moi. Très calme. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, comment ça va? Parce que je ne veux pas non plus simplement me laisser aller vers cette émission nocturne comme quelquefois j'ai tendance à le faire. Puisque tu peux me balado-diffuser, mon chanceux ou ma chanceuse, m'écouter dans tes écouteurs. N'importe quand. Je peux même te dire bonjour et tu te trouves dans un avion pour Tombouctou. L'Éthiopie. Là, j'ai fait une mauvaise blague à une dame. Je l'en ai peut-être parlé lorsque j'étais inconscient. Donc, ce sera dans 20 minutes. Non, les consciences, c'est quelque chose d'assez conscient puisque lorsque tu le perds, tu sais que tu t'en vas. Mais là, dans quel circuit, dans quelle porte, Dans quel trou? Voyons donc combien il y a de trous dans l'inconscient. Autant de trous que tu veux. Moi, j'évalue ça un peu comme un fromage. Un qui? Un fromage. Oh, j'aime ça le fromage, moi. Oui, un bon fromage. Mais avec des... Comment tu l'appelles, celui des souris, là? Le camembert? Non. Le camembert. Le calembour. Ah, moi, je l'aime, le calembour. Il est tellement drôle, hein? Il joue avec les mots. C'est pas celui-là, voyons donc. C'est le parmentier, parmentière. Parmentier. Le brick. Le petit Québec! C'est de la... Donc, monsieur, c'est pas le sésame. Sésame, ouvre-toi. Guylaine aussi. Non, mais non, c'est pas celle-là. C'est... il faudrait que je regarde sur Internet, puis mon Internet est dans ma tête. J'ai pas le tuyau pour rentrer là-dedans. Le fromage... Au moins, lorsque je faisais une émission en direct à CKRL, et j'avais des individus, on va les appeler, parce qu'on peut pas savoir qui pouvait être là, dépendant des émissions de la saison, puis tout ça. Mais lorsque je parlais, puis j'avais comme ça un blanc, à la réception, on me criait la réponse. Et ça, je me souviens, il y avait Marianne et puis François qui... C'était merveilleux, merveilleux. Et c'est quoi avec des trous du camembert? En tout cas, excusez-moi. Écrivez-moi à rénalquebec@commercialhotmail.com. RENALDQUEBEC@commercialhotmail.com. Je ne sais pas si chez vous, c'est comme chez moi, mais le son sort comme de la chenoute. Je crois bien changer de micro pendant l'émission. Moi, je dis que c'est sans doute mes écouteurs. J'ai acheté ça hier au soir à Saint-Dilon. Mais sinon, Gaétan va bien. Puis je sais pas pourquoi, depuis tantôt, je vois Monroe, 1957. Et elle a fait un film en 57, madame. C'est le camembert, non, le fromage avec des trous, non. Le gruyère! Merci, madame Gruyère. Ah, c'est... Oh, ben voyons donc, on vous donne deux morceaux de robot. Oh, madame Gruyère. Vous savez que c'était à cause de ça, hein? Votre père était l'investigateur de ce mets exceptionnel? Votre arrière-arrière-grand-père? C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a fait cette affaire. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui a fait toute cette affaire. Il avait des blancs, il avait des trous. Sa mémoire était en manque et moi j'étais en genou. Je lui disais souviens-toi de ce temps où tu avais des enfants, où tu les aimais beaucoup. Dans ce petit brouillard, tu vas trouver ton affaire. Si un jour je suis avec toi dans cet esprit, comme tu seras parti avant moi, rappelle-moi avant que je le fasse moi-même. Hey, c'est beau, ça, c'est touchant. Non, non, c'était quand même autobiographique. Toto! Toto a tenté de vérifier l'engrenage de la vie. Là, on y va avec le monsieur qui dit... Je vais prendre un sandwich. Oui. Oui. Un sandwich au poulet avec belle mayonnaise. Mais... OK. OK. Il s'est endormi. S'est endormi sur sa mayonnaise. Bon, on va le laisser aller, glisser là-dedans. Puis quelques heures plus tard, ben, il en avalera quelques substances de mayonnaise. Donc, il sera malade, puis il va se réveiller, puis il va me dire que j'étais son meurtrier, j'irai en prison. Puis écoutez, ben, c'est mon avenir. Je l'accepte. Madame Thibodeau, oui, prépare-moi ma petite valise. Non, très simple, oui. Mes 12 paires de lunettes. Mon micro, on va changer de micro bientôt. MC58. 18-83-14. Et, j'aimerais ça aussi, mon lecteur. Pour écouter mes émissions. Arabala diffusion. Remballez-moi ça, madame, puis mettez-moi dans une serviette, non pas moi, mais ma balado diffusionne avec un son extraordinaire, puis les écouteurs hautement, pas ce que j'ai entre les oreilles, parce que je me sens comme un citron compressé, puis pas trop pressé, parce qu'on a le temps. On a le temps de dire, monsieur le président, oh oui, excusez, j'avais la carlotte toute sèche, puis comme j'avais un petit peu, bon, c'est pas important. Ah, c'est pas important. Là, vous m'entendez? Là, c'est un sac. Ma main est dans un sac. On t'a pris dans le mettre dans le sac, oui. Et je vais tirer quelque chose. Regardez vos numéros. C'est le temps de vous faire tirer un prix, mes chanceux, mes chanceuses. Oh, c'est le moment fatidique extraordinaire. Fatidique, ça m'amène à rien de beau. Non, non, non. Je me suis trompé. Vous trompez jamais, madame? Non. Vous êtes une sainte, hein? Sainte Dame de l'Esprit, on vous offre encore la vie. Restez dans ma nuit, mon Seigneur, ma nuit. Mais c'est mon piment. C'est beau, ça, c'est de l'allemand? Non, c'est du latin. Du latin lapin sauté. Puis moi, je vous dis, n'oubliez pas l'oignon. C'est ce qui fait le goût du lapin lorsque vous le faites sauter. Non, non, non. Voyons donc. Non, non. Vous le prenez mort déjà, là. Il agonise, non pas parce que vous l'avez tiré avec une arme à feu. Vous n'êtes pas vous n'entendez pas le cri du lapin? Comment il fait, le cri du lapin? Bon, montre son Gaétan, il fait... Ah, c'est beau, hein? Là, vous osez même pas tirer, il vous regarde. Puis... En fait, il cherche à coller son dentier. Voyons donc, ben oui, il cherche à coller son dentier. Puis là, les deux dents sont bien lourdes. Un lapin, c'est pas des petites dents, c'est des grosses dents, là! Puis le mien, là, ben... Tu sais, c'est un envieux, là, comme bien des envieux québécois, puis même terrestres. Ça vient même pas de chez nous, ça vient de partout, ça. Oh ben, mon voisin a une tondeuse. Moi, j'ai des ciseaux pour couper mon gazon. Quel Mac doit avoir, lui? Oh, le petit modèle. Attends demain, moi, je vais aller m'acheter le gros. Le gros Jean-Marc va me dire ce qu'il faut, là. Le lendemain, il s'ajoute la machine. Là, il n'y a pas d'argent, bien sûr. On mettait ça sur ma carte de crédit, puis celle à ma femme. On va diviser moi, puis c'est pour meilleur. Hein? Pardon? Excusez-moi. Pardon? C'est pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, c'est le pire pour elle. Non, mais quand même, elle va avoir un beau gazon, elle va pouvoir se tondre là-dessus. Non, elle s'étendre, excusez-moi. S'étendre là-dessus. On va la rouler, on va la fumer. Yes, ma femme. Oh, vous allez halluciner. Ah, oh, une créature de rêve. Brigitte Bardot, 1969. Ah, oh, c'est pas pour rien, 69, là. Vous tournez ça, puis mettez le feu après ça. Pardon? Lisez-la. Lise-pap. Pas Lise-pap. Non, non, non, mais je... C'est pas la fameuse Janice. C'est pas ça que je voulais dire. En fait, c'est l'actrice, la chanteuse, là. J'avais ma queue comme un soupir. Moi, j'avais un soupir. Bon, c'est... Je voulais pas parler de ça, madame. Je suis pas un homme. Ben oui. Je ne suis qu'un homme. Ben, c'est normal. Mais là, j'ai pris une phrase. Oh, un mot, c'est parole. Là, on tient à me faire improviser sur le mot parole. Moi qui en dis tellement depuis le début de l'émission, depuis combien de temps? Depuis 2h30? Où est la poubelle? Oh, okay. La poubelle est en arrière de moi. Mieux vaut les avoir en arrière, les poubelles, qu'en avant. Parce que moi, quand je les vois en avant, je dis « Ah oui, avance la poubelle, avance! » Arrête donc de te vanter, là. « Oui, elle se vante, elle avance. Oh, je suis la poubelle du monde. Ah ouais, non, vieille, tu pues. » Tu peux même plus avancer, là, hein? Heureusement, je te donne des coups de pied, parce que, hein? C'est de la violence, hein? C'est de la violence faite aux poubelles. Est-ce que le cercle des poubelles anonymes, là, ce soir? Madame Thibodeau? Vous allez vous inscrire, vous. Bon, la première inscrite, c'est elle. Hein? Tout ce qui est pour qui les minorités... Ah, mais moi aussi, je suis pour les minorités. Moi aussi, j'y crois à la minorité. J'en suis un. Dans le noir. On me voit pas. Mon père m'appelait la tache noire, je vous l'ai déjà dit. Pas pour rien, là. T'es bien noir, gars noir. Brr, brr. Mais humain. Je peux aussi pleurer à mes heures. Mais là, c'est pas mon heure. Non, non, les enfants, hein, les nourrissons, c'est pas les enfants, c'est les nourrissons. Parce que là, compliquez pas l'affaire. Dans une hiérarchie sociétale, dans une hiérarchie créative, il y a plusieurs étapes. Le nourrisson, là, c'est presque au début, là. Je suis pas infirmière, je suis pas infirmier, je suis pas notaire, je suis pas notier, je suis pas menteur, je suis pas bâtier, je suis pas colère, je suis pas collé. Moi, je suis collé à 350 degrés, madame. M'en faire de la belle fondue. Ah, mon Dieu. C'est à vous, madame. Oui, monsieur le président. Oh non, on y va. Madame, mesdames, les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rancénadienne. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Puis là, on passe celle-là. On passe celle-là. Rénal, maintenant, prends ton micro. OK, c'est moi, ça. je m'avais même pas reconnu là-dedans. Voyons donc. Mais c'est qui, Rénal? Mais c'est moi. Quoique, j'ai plusieurs personnalités. Et ça, vous l'avez remarqué. J'ai un autre prénom. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. C'est mon manou. C'est ma mémé, ça. J'aime les moules et les moulins. Qu'elle est fait, ça. À ce beau teint, mamie. J'ai mon cœur à l'envers. Mais ça, c'est à l'envers. C'est un beau cœur à l'envers, madame. On lui donne quoi, 3,8? Sur les... Ouais, sur l'échelle de la légère apprivoisée. Non, c'est la mégère. Mégère, mégère, mégère. Elle est pas là, ce soir, là. On l'avait invité, hein? On a quand même 6 places assises. Et 13 places de bouse. Voyons, ben c'est ça, les gens veulent pas aller de bouse, hein. Ça sent tellement après, là, les talons nous claquent. Les talons nous claquent. Renate, c'est beau. C'est très beau, hein, l'image, là. Hey, monsieur, les talons nous claquent. Ouais, monsieur, nous avons la... Rénal, maintenant, prends ton micro et proclame la bonne décibelle. Ça, c'est la meilleure. Vraiment, là, l'émission, là, c'est, si vous avez manqué les 29 dernières minutes, maintenant, c'est le temps. Vas-y. Oui, attendez, précipitez-moi pas. Je vais me lancer en bas du fossé avec Brigitte. Oh, c'est les gens qui ont des maîtrises, des connaissances, là, hein? Fossé avec Brigitte. Tante, t'es quoi là, non? Je l'apprends la guitare en plus. Oh là! Oh! Les amours interdits, les jeux interdits! Imaginez-vous que j'ai vu plusieurs fois quelques plans, quelques séquences, mais jamais au complet du film. Je m'en confesse. Je m'en confesse à toi, Rénal. Devant les idioties. Je me confesse à toi, Rénal. Okay. Aujourd'hui, le vendredi 25 avril. 25 avril, c'est beau, c'est chaud, c'est bon. Ça sent le soleil, ça sent le printemps, ça sent les bourgeons, ça sent le bi, bi, bi, li, mi, li, ti, li, chi, li, ti, li, li, li, li, li, li, li, li. L'errance rénaldienne, les errances rénaldiennes complices, voyons donc, lâche-moi le complice, présente plusieurs routes pour nous et entre nous. On change après le micro, je vous le jure. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Mais là, on va aller directement à mon ami Tom Poisson. Est-ce pas Tom Poisson? Mais non, voyons donc! Bon, on s'excuse, c'est pas Tom Poisson, c'est mon ami. Mon ami, j'ai rencontré la littéraire. On va regarder de quoi ça a l'air. Oh, Steph! Ah, merci! Merci! Stéphanie, OK, Wachet. Wachet, sans doute. J'ai fait un fou de moi maintenant encore devant vous. Je ne suis qu'un fou allié. Stéphanie Hockey est une écrivaine, essayiste et journaliste culturelle française née à Paris le 20 mars 1975. Après une maîtrise sur le théâtre élisabéthain... Pardon? Oui, je la rappelle plus tard, merci. Alors, comme je le disais, après une maîtrise sur le théâtre élisabéthain, elle a enseigné en Grande-Bretagne. Elle a tenu une chronique au magazine des livres et sur BSC News, un journal culturel Internet. Puis a collaboré au magazine Muse ainsi qu'à Libération. Elle est critique littéraire pour le Jeudi du Luxembourg. Et si tu n'existes pas? Ses romans explorent les dérèglements humains, donc le mien. Elle m'étudiera dans quelques temps. Elle m'a appelé. Là. Je suis pour elle une source de désinformation la plus complète. Elle est désarmée devant autant d'incrédibilité et de débilité. Elle ne croyait même pas que ça existait sur Terre. Puis elle se demande pourquoi il y a une diffusion actuellement. Vous, public, ne me niez pas. Restez avec moi. Et puis, elle reçoit ensuite le prix Tide Monnier pour la distribution des Lumières, Flammarion 2010, un roman sur les tentations dangereuses de l'adolescence entre cruauté et candeur. Elle a fait plein d'œuvres, plein de créations et sur les tatouages également. Mais en juillet 2013, parce que je suis en retard, excusez-moi, en juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette fille exceptionnelle. La preuve... We'll be right back. the summer. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est pas ce qui est. C'est... Ben, si tu vois un accident et que t'es de l'autre côté, il y a un autre c'est ça. Donc il y a eu un accident, mais la réalité ne sera pas la même. Mais ça, quand t'es écrivain, c'est le premier truc que tu cherches, c'est quand même par quel biais je vais raconter l'histoire. Et ça devient... Oui. Oui, mais ça peut aussi devenir une nouvelle et un jeu, c'est-à-dire que dépendant du point de vue, l'histoire va différer, mais la réalité reste la même. Après, la réalité est perçue de trois façons. Oui, c'est ça. Comme il y a un film asiatique qui est sorti dans les années 90, je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens de ça? Lequel? Je ne sais pas le titre, malheureusement. Non, mais... Il y a un accident, il y a des gens qui sont dans l'hôtel, il y a des gens qui voient l'accident, il y a des gens qui sont inclus dans l'accident, à trois moments différents. Je pense qu'au cinéma et en littérature, tout est question de biais. De quel biais je vais utiliser, quelle personne... Déjà, qui parle? Est-ce que c'est un « il », est-ce que c'est un « jeu » Alors moi, depuis la psychanalyse, j'utilise des jeux. Qu'est-ce que je veux dire par la psychanalyse? Depuis que j'ai commencé une analyse en 2005, c'est vrai que mes narrateurs... Enfin, je n'utilise plus que le jeu. Alors, j'imagine... Ça t'inclut pas nécessairement toi? Non, c'est des créations. Mais il y a une force dans le jeu qui me plaît. Il y a une présence. Mmh. Y a une parce que le jeu te fait jouer un rôle. Ouais. Sans doute. En écrivant « je », tu t'inclus dans un autre monde. C'est ça. Comme dit Yourcenar, dont on parlait tout à l'heure, le « je », c'est l'écriture d'une voix. Mm. Le « je » devient un jeu sans « je ». Oui, le « jeu » a un ton. Le « jeu » a un ton particulier. Ouais. Je parle de telle ou telle façon. Donc voilà, ça me plaît beaucoup de parler, enfin d'écrire à la première personne, du coup. Mais exemple, si on t'offre une commande, OK, le jeu est une québécoise, est-ce que tu vas aller faire des recherches sur le langage québécois, sur J'en ferai peut-être un peu, mais pas beaucoup, parce que j'ai déjà écrit des livres où je déplaçais vraiment le curseur du temps et de la géographie et de l'espace. C'est-à-dire qu'en 2009, j'ai publié un livre qui s'appelle « Combat de l'amour et de la faim ». C'est l'histoire d'un jeune homme qui a vécu entre 1903 et 1929. Hein, c'est-à-dire il vit toujours en 1929, mais j'arrête l'histoire là. Donc, dans le sud des États-Unis, tout ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vécu en Louisiane, dans tous les États, beaucoup d'États du Sud, en fait, et qui a beaucoup circulé, qui était coureur de dot, en plus. Bon, un personnage masculin, au début du XXe siècle, dans le sud des États-Unis, donc en plus dans ce pays, quand même, avec tous ces clichés racistes, etc. Là, j'ai complètement... déplacer le curseur, j'ai trouvé, il a fallu que je trouve. T'as enlevé de ta zone de confort. Mais moi je cherche absolument l'inconfort. Okay. Pour moi, la littérature, c'est la zone d'inconfort. Et il a fallu que je trouve cette voix de jeune homme, qui raconte. Tu parles en écrivant ça de sortir un peu de la réalité, c'est-à-dire de ne pas coïncider avec l'époque. L'importance n'est pas là. L'importance est dans le personnage, la vision du personnage. J'essaie aussi de sortir de mon petit monde. Okay. Donc moi j'ai pas envie de raconter voilà, la vie de Stéphanie Hochet quand elle se lève le matin et ce qu'elle fait jusqu'au soir. Ça, franchement, ça, le vulgaire, ça m'emmerde. Quoi. Voilà, je veux sortir de ça. Quoi. Ce qui est génial avec le roman, c'est que c'est qu'on vit plusieurs vies. Donc pourquoi limiter sa vie à ce qu'on vit? Pourquoi limiter la création des personnages à ça, quoi? C'est, on peut, vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez... On s'endort dans un confort. Ouais, et puis c'est plus intéressant. Moi, j'aime... voilà, j'aime me retrouver en Écosse, j'aime me retrouver dans le sud des États-Unis, etc. Ouais. Mais c'est une façon d'y être autrement. Alors, comment t'as procédé pour ce jeune homme? Alors ça, c'est vrai que là, du coup, ça fait que j'ai beaucoup lu la littérature de cette période et de ce pays, quoi. C'est sûr que, bon, je vais pas vous mentir, je pourrais pas imaginer, je sais pas, un jeune Thaïlandais au XVIIIe siècle, je pourrais pas le faire. Donc c'est quand même des pays que je connais un petit peu par leur littérature, parce que bon, j'ai donc j'ai quand même pas mal étudié, donc que ce soit Carson McCullers, Faulkner, des auteurs comme ça qui ont fait qu'au bout d'un moment, un petit peu, mais c'est ça, oui, puis ça là, c'est plus la période là, c'était trop contemporain, enfin c'était trop moderne pour cette histoire là. Mais il y avait un autre. Tu as lu aussi la Big Generation J'ai un peu lu, ouais, aussi. Mais ça t'intéresse pas? Si, ça m'intéresse, mais là, c'était pas. Enfin. Pas exact. Pour le livre, ça touchait pas vraiment à ce genre. Ouais, voilà. C'était où il y avait un auteur américain que j'aimais beaucoup aussi, Flannery O'Connor. Oui. Qui était un auteur juste merveilleux, corrosif et étonnant, enfin, dans un genre complètement. Ouais, très provoquant, j'adore ça, quoi. Avec des personnages aussi difficiles à cerner, violents potentiellement et drôles, enfin corrosifs. C'est pas non plus des protagonistes attachants souvent. Non. Voilà, c'est ça. Ils sont dérangeants. Oui, c'est ça, exactement. On dort mal avec un livre. Ouais, c'est ça. Et mais moi j'aime ce qui me fait rire comme ça. C'est-à-dire j'aime cet humour noir, quoi. Okay. Donc voilà, quoi, je suis allée voir du côté de ces auteurs-là, et puis une fois que j'ai pas lu cette littérature pour écrire ce livre, mais je connaissais cette littérature déjà, et puis je me suis replongée dedans, et j'y ai repensé, et je me suis dit, j'ai très envie de le faire. Voilà. Après, il y en a un qui se situe en Grande-Bretagne, en Écosse, j'ai vécu en Écosse, donc bon. Ça s'appelle Les Éphémérides. C'est un livre apocalyptique. Voilà, qui parle d'une possible fin du monde que je ne situe pas exactement dans le temps, mais bon, c'est une époque qui ressemble très fort à la nôtre, en même temps. Hein? Alors c'est un cycle, là, tout revient, tout ouais. Se génère. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a des sujets qui ne te plaît pas, que tu n'aborderas jamais, puisque c'est loin de toi ou c'est inintéressant à ton risque? Je sais pas si c'est des sujets vraiment. Je sais pas si c'est des sujets qui me font écrire, c'est des situations, c'est l'exploration. A priori, il n'y a pas un sujet qui n'est pas intéressant. Okay. Faut juste que ce soit une rencontre avec quelque chose qui va faire écho en moi. Mais est-ce que je serai la bonne personne? Est-ce que c'est... Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'en ai envie, quoi? C'est avant tout, c'est ça. J'ai pas d'a priori sur les sujets. C'est est-ce que j'ai envie de traiter ça? Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, voilà, je vais créer une maison d'édition, ça va être des livres érotiques, je voudrais que t'écrives pour moi. Bon, bah, je sais vraiment pas quoi dire parce que je vois pas du tout comment je pourrais écrire un livre érotique. En même temps, pourquoi pas? Non, mais j'ai rien contre, mais je vois pas comment procéder, parce que moi, ce que je fais, j'ai l'impression que c'est suffisamment suggestif que je peux pas aller plus loin, parce qu'au bout d'un moment... Après, c'est pas du tout par pudeur, hein, c'est simplement que ça m'exciterait moins de raconter plus de choses de ce côté-là, quoi. Est-ce que tu crois que la littérature érotique, c'est une sous-littérature? Tout dépend laquelle. C'est dommage de classer... une littérature. Ouais, je trouve qu'une. En fait, la véritable littérature est érotique, par définition. Oui, et sensuelle. Ouais. Les mots sont sensuels. Ouais. Et qu'on n'a pas besoin de. D'en rajouter. Ouais. Et de créer une catégorie qui va être destinée voilà, à satisfaire quelques. Des appétits lubriques de certains, quoi. Je trouve que. La grivoiserie de certains. Ouais. Mais tu sais que le boucher d'Alina Rice est Et en même temps, quelque chose, une métaphore extraordinaire. Ouais. En 115 pages, on en sort écorché. Ouais. Donc, c'est une c'est une littérature érotique, mais sans l'être en même temps. Ah, mais je... Après, si c'est bon, c'est de la littérature tout court. Donc voilà, il y a des écrivains très sensuels ou très sexuels même, qui sont d'excellente qualité, qui sont des très grands, et voilà quoi. Mais après, vouloir absolument entrer dans cette catégorie-là, je sais pas. Okay, ouais. Je me sentirais presque obligée, quoi. Okay. Je le savais. Je t'aime, Laurence Renaldienne non plus. Sur CKRL 89.1 à Québec.

Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. Mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade. Complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent. Avant ta peau, cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seul avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricade, t'entends, je suis malade. Non, je n'ai pas 18 ans, mais nous sommes le 18 avril. Et non, encore, je ne suis pas Dalida, je suis Reste là. Reste là avec nous jusqu'à 2h quelques du matin, car c'est l'errance nénadienne en ce 18 avril. Oh! OK. On peut réentendre le début, s'il vous plaît, monsieur Bossé? Oui? Non, mais c'est pas d'aller. Arrêtez de. Restez calme, là. Restez avec nous. Vous êtes sur CKRL et vous êtes à errance rénaldienne, là, hein? Oui. Ah, non, c'est pas... Non, c'est... OK, on rejoue. OK, on fait. Merci. Non, je n'ai pas 18 ans, mais nous sommes le 18 avril. Et non, encore, je ne suis pas Dalida. Je suis Reste là. Reste là avec nous jusqu'à 2h quelques du matin, car c'est l'errance nénadienne en ce 18 avril. Oh! Oh, c'est merveilleux. On a mis les... Non, mais j'aime bien les virgules, les points, et puis les points, tu sais, les points setia. Ça demande pas beaucoup d'arrosage, hein? Parce que là, moi, j'ai plus d'eau, puis il y a le compteur qui compte, puis il y a le décompteur qui décompte, puis il y a le compte Visconte Menthol. Hey, ça pue-tu du menthol? Ah, mon Dieu! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer... Une improvisation à partir de la première phrase. Est-ce qu'on a placé le disque? Oui, OK. OK, du 18 avril, c'est ça. Nous sommes quand? Nous sommes tout là! Tout là? Tout là de Butcher. Ouais, ce soir, le 18 avril, on va combattre un match exceptionnel. C'est moi, 18 avril de Butcher. Oui. Avec le géant désespéré. Désespéré, 10 pieds et 28 pouces, là. 18, excuse-moi, oui, 18 et 28 pouces. On va le massacrer ce soir. Le troisième câble, il va souffrir. La scène, elle va mourir. Puis toi, tu vas applaudir. Oh, c'est beau. Là, ici, maintenant... Bon, oh, merci. Bon, là, ouvrons-lui. C'est qui, ça? C'est Bukowski. Va pas asseoir. Asseoir, c'est Abdella de Boucher. Qui? Oh, il y a de la violence en lire! Alors, ouvrons. C'est Charles Bukowski, hein, la première phrase de Bukowski dans son œuvre célèbre. compte ces nouvelles. J'ai plus de voix. Comment pourrais-je aller faire l'autre émission après? Tu fais une autre émission? Oui, ben oui, sur une autre station. L'autre station? La station d'Illusion. Elle s'appelle... Oh! D'Illusion. Mais elle n'a pas de raison. Elle a son frère en prison. Qui jouait trop bien du microphone. Oh, le microphone. Faut savoir maîtriser son microphone, madame. Votre mari, là, je sais qu'au début, il était fringant sur le microphone. Maintenant, il est à fond. C'est ça, c'est les années. Vous l'avez épuisé, madame. Alors, la phrase de Pikowski, c'est « Je me suis dit, on frappe à la porte. » Et j'ai regardé le réveil. À peine 13h30. Bon Dieu! Qui peut me réveiller à 13h30, là? Les témoins du rôle, là! Signe ton chèque, mon génie, y'a pas de génie, à soin. Signe ton chèque, mon génie, j'ai pas de chèque, moi, j'ai rien, moi. Je suis tout nu! Avec un slip, quoi, que je reste quand même comme le petit qu'on a agrafé sur une croix, là. Avec mon petit slip. Pas de couronne, parce que je ne mérite pas, je suis pas... Non, c'est vrai, c'est plus une couronne au carnaval. Là. C'est une tuque. J'ai plus de tuque. Voilà. Je suis pas la tête de turc. Voyons donc. C'est quoi l'épaisse là, là-dessus? Avec mon pompon qui a parlé au plafond avec tous les garçons qui regardent la leçon. Moi... Ben voyons donc, c'est quoi là, 13h30? L'heure où tout le monde travaille, sauf moi, parce que la nuit dernière, j'ai bossé pour le peuple. J'en ai ramassé des corps, moi, là. Des bras, des jambes, des cœurs, des têtes, des dents. Rentrer dans l'ambulance, amener à l'hôpital, là. C'est sérieux? Pas vraiment, là, il reste plus grand-chose. Qu'est-ce qui reste? Il reste le gars qui te l'amène. C'est qui, ça? Ben, c'est moi. C'est qui, toi? Mais c'est Charles Bukowski. Qui? Charles Bukowski. Je connais pas ça. Mais tu vas le connaître. Je suis là. Regarde-moi. Écoute-moi. Va te parler. Je veux pas t'entendre. Mais voyons donc. C'est quoi, ce corps-là? Ben, c'est un corps mort. Je ramène bien des corps morts. Toute ma vie, j'ai ramassé des corps morts, des vidanges, puis... Il y a eu un accident, il chantait là, des chansons de ukulélé, puis Hawaii 5 Sparrow, puis On y va, on est des héros, puis, je sais plus, moi, on est hétéros, puis toutes ces chansons-là, là. Moi, je te l'amène à soir, je suis là, moi, je suis là, lui, il est plus là, là. Mais quoi qu'il y a des petits morceaux, là. Moi, je suis une entité. Une entité? Une entité, une vérité, pas vraiment, là. La vérité, c'est que, oui, je finis dans quelques minutes, quelques heures. Tu peux venir me voir, me donner ma carte. T'as une carte? Non, bon. Parce que j'ai une éditrice qui m'a dit, ben écoute, t'écris quand même assez bien, puis t'as quand même une certaine façon de voir l'univers, puis on va te préparer des cartes. Ouais, c'est l'édition sur laquelle je publie. T'es un poète? Un poète. T'es très mature. Très mature, ouais. J'écris. Mon adresse est là, tu peux venir me voir. À quelle heure? N'importe quelle heure. Là, 13h30, je pensais-tu qu'elle allait venir à 13h30? Tu parles d'une idée, toi. Tu parles d'une idée. Mais quoi, je peux pas non plus la punir. Elle savait pas. Quand tu sais pas, mais tu viens quand tu peux. Puis là, ben... Ce pouvoir-là était maintenant à des enfants, à un mari, elle va le tromper. OK, c'est moi. Allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous, allez-vous Openshaw and Mr. Gilbert. Give us a drink of milk, said Captain Shaw to Mr. Gilbert. Sorry, said Uncle Gilbert Box. I only have one liquor stick. Well, that will do, said Captain Shaw and ate the licorice stick. Goodbye, old lol lol, said Gilbert, old boy. Good night, Mr. Gilbert, sir, said Captain Shaw, falling dying to the ground. Oh, well, said Gilbert, being manfully scratching his left ass, and drank all the milk in his pockets. Comment tu t'en parlais avec ça, bah, parfois, si. Parfois, je... Moi, j'aime bien les défis en même temps. Hein. Mais il faut que je puisse y répondre. Hey, mais en même temps, ça peut être autre chose que la sexualité entre, entre mes femmes, hommes et hommes. Et femmes, mm-hmm. Ça peut être, je sais pas, entre deux oiseaux. Tu peux te placer dans la... Ouais, mais bon, c'est même deux oiseaux. Ça rappelle... ça rappelle ce que les humains vivent. Oui. Okay. Ah, bon. Un petit poisson, un petit oiseau, dit oui, Juliette Gréco. Oui, comme le chantait Gréco. Mais, ok, alors. Ou là, donc, non, les fleurs, ça va être. Je vais raconter la sexualité oui, des fleurs. L'abeille et la fleur, ça c'est beau. Ça peut être une version contemporaine. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, il n'y a pas vraiment de sujet qui, pour toi, est non acceptable et non validable. Non, a priori, j'en vois pas. Je ne vois pas pourquoi ce serait pas acceptable. Après, est-ce que je trouve ça intéressant? Est-ce que je peux y répondre? Est-ce que je peux écrire dessus? Ça, c'est une autre question. C'est un autre sujet. Aucune idée. Et à travers ton écriture, tu as été reconnu à travers des prix, à travers des... Ouais, heureusement, j'en ai eu quelques-uns. Ça fait toujours plaisir. Okay, ouais. Mais est-ce que ça prend ça pour être recommandé, pour être appelé, pour être sollicité, pour avoir un choix de création, parce qu'il y a des maisons qui t'appellent, il y a des... Ah ben, je sais que maintenant, il y a certains éditeurs qui aimeraient beaucoup que je vienne chez eux. Pour le prestige que tu as amené au... Ouais, on va dire ça, hein, oui. On va dire ça. J'imagine que c'est pour ça, parce que je rapporte pas forcément beaucoup d'argent, donc j'imagine que c'est pour une question d'image. Woody Allen non plus, on parlait de Woody Allen, ouais. C'est pas des films qui font ouais, ça vrai. Dans le box-office. Hein. Ouais, pour les États-Unis en plus, c'est vrai que ça doit... Mais même au niveau mondial, écoute, il y a eu des grandes actrices qui ont joué dans des films de Woody Allen, c'est pas pour le cacheton, c'est parce que c'est Woody Allen. Bah, écoute, même si c'est Godard, qui veut jouer dans des films de Godard, tout le monde joue dans des films de Godard, mais c'est pas les films qui rapportent le plus. Ouais, surtout Godard, donc, Ah, c'est très gentil de me comparer à Godard et Woody Allen. Je suis très flattée. J'ai bien fait de venir. C'est mes deux préférés. J'aime bien les gens qui suscitent l'intelligence du peuple, qui n'amènent rien à gaver. En fait, c'est facile de se faire gaver. Moi, chez McDonald's, on est gavé. On n'a rien mangé, exactement. On est gavé. C'est ça. C'est de la moulée de clown. Donc, la moulée de clown, ça vaut ce que ça vaut. Et puis, il y a des gens qui disent... Pour rentrer dans un restaurant, si le restaurant est plein, pas toujours. Va voir dans les fast-foods, c'est toujours plein. C'est souvent c'est le bouche à oreille. Ouais, c'est vrai. Mais sans rendre ça élitiste non plus, pompeux. Est-ce que tu crois, en parlant pompeux ou d'élitisme, est-ce que tu crois que la création littéraire l'est un peu? Est-ce que ça ferme un public qui peut-être n'est pas porté vers l'écriture? Non, je trouve pas. Je trouve que là, c'est une mauvaise question parce que, enfin, comme je t'expliquais, moi, mes origines sont plutôt, enfin, sont même très modestes. Mmh. Donc, on va dire qu'a priori, j'avais pas d'énormes facilités pour aller vers la lecture, même si une partie de ma famille lit, mais l'autre partie lit peu. Est-ce qu'on t'a lu dans ta famille? Es-tu lu dans ta famille? Oui. Ma mère commande beaucoup, mon père commande rien, mais ça, c'est pas grave. Une certaine tyrannie entre fille et père. C'est sûr, mais quand on lit, on a compris, quoi. On parle beaucoup de choses comme ça. Mais ça peut être fictionnel aussi. Oui, mais bon, c'est pas grave. C'est simplement de se donner un peu de mal, et c'est accessible à tous, mais il y a des textes qui sont assez accessibles. Oui, il y a des textes élitistes, mais on peut aller vers la littérature par des textes beaucoup plus faciles, sans pour autant que ce soit des textes de mauvaise qualité. Je pense que, on parlait de Cocteau, je pense que quand même beaucoup de jeunes peuvent lire Cocteau, il me semble. c'est pas compliqué, et en même temps on est tout de suite dans un univers magique, on est tout de suite dans de la beauté. Il me semble que vouloir... Autant le cinéma aussi, hein. Voilà. Cocteau, ouais. La lecture, ouais. Mais c'est vrai que la lecture demande un effort supplémentaire. Voilà, ouais, la lecture... Parce qu'il y a pas d'image, donc l'image vient de la... C'est-à-dire que c'est actif aussi. C'est-à-dire que regarder un film, c'est bon, relativement passif. On s'assoit, on regarde. Lire, ça demande quand même une concentration. Un arrêt, parce que tu es devant un livre, donc... Voilà, c'est un effort... que de lire, c'est un effort de concentration, c'est de l'attention, c'est du temps, c'est du silence, ben, ça demande un effort, ça c'est sûr. Mais cet effort, je pense qu'on peut... qu'il est accessible, et en commençant par des textes assez simples et assez poétiques, ou sans même collègues. La simplicité ne vient pas de... Non, oui, c'est ça, c'est pas simpliste du tout, quoi. Moi, je pense qu'il faut tout de suite aller du côté de la qualité. Pour les jeunes, par exemple. Il faut tout de suite aller du côté des grands auteurs, mais des grands auteurs. Selon toi, mais Cocteau, tu l'as mentionné. Colette, Cocteau, je sais pas, les contes, par exemple. Ah oui, l'étranger. Ouais, moi, l'étranger, écoles, ça m'a ouais, complètement. Ouais. Ça peut tout de suite parler, ça, l'étranger. Avec ce sentiment de justement d'étrangeté intérieure que peuvent ressentir les adolescents. Ouais, ça nous rappelle quelque chose. Ouais. Ça évoque quelque chose. Ça va forcément les interpeller. Et ça c'est des textes accessibles quand même. Un peu à tout le monde, quoi. Donc, à tous les niveaux, accessible, ouais, au niveau littéraire, ouais, puis même, ouais, au niveau monétaire, ouais, parce que c'est un livre, ouais, de poche, donc, ouais, exactement, ne pas lire. Puis les bibliothèques, ben, c'est affaire à tout le monde. Donc, penser que la littérature est élitiste, alors évidemment, il y a des écrivains qui sont beaucoup plus compliqués. On parlait de vieux sonar, il est quand même assez complexe. Ouais, il faut attendre un peu, là, peut-être. Ou même peut-être être niveau universitaire. Parce que, Ou avoir vécu beaucoup d'années de littérature. Ouais, c'est sûr, mais bon, on peut y venir avec les années, quand même. Mais, Proust aussi, Proust, certains, même des intellectuels, n'arriveront jamais à lire Le temps perdu. En entier, oui. As-tu lu? J'ai pas tout lu, mais j'ai quand même lu une bonne partie. Et en même temps, quand on est écrivain, il faut l'avoir lu. Enfin, ça me paraît pas crédible d'être écrivain sans avoir lu Proust. C'est pas normal. Donc voilà. Donc je pense pas que la littérature est élitiste. Je pense qu'on est très paresseux. On est devenu très paresseux. Avec Internet, ça aide pas. Hein. Ouais. Sans doute. Ça tue, genre, la littérature. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, mais même nous, écrivains, je pense qu'on est devenu assez réactif avec toutes ces tous ces réseaux sociaux, tous ces trucs, ce qui fait qu'on a c'est vrai qu'on a une attention on a une attention assez courte aussi, donc faut faire attention. Ça raccourcit l'attention, j'ai l'impression, tous ces trucs, parce que ce qu'on veut, on veut des phrases courtes, concises, qui nous amènent tout. Ouais. Donc on veut plus chercher, on veut avoir immédiatement. Il y a un titre de Pierrette Flotiot, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Des phrases courtes, ma chérie ». Efface toutes, ma chérie. Des phrases courtes, ma chérie. Des phrases courtes, ma chérie, ok. L'histoire de sa mère, très âgée, fatiguée de la vie, qui comprend plus bien ce que lui dit sa fille. Elle va dans une maison de retraite et sa fille lui parle, et puis au bout d'un moment elle est fatiguée, et puis elle supplie, elle supplie des phrases courtes, ma chérie. C'est bien, oui, parce qu'on tente aussi d'évaporer. Mais tout ce que. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. revient en mémoire. Il me revient une histoire. Il me revient des images. Un village, mon village. Il me revient en mémoire. Je sais pas comme un songe cette histoire. Et voilà qu'au loin s'avance mon enfance, mon enfance. C'était, je crois, un dimanche. C'était, je crois, en novembre. Qu'importe, mais je revois l'usine. Oui, l'usine, ça dessine. Surgit du livre d'images, un ciel gris d'acier, une angoisse, et des pas lourds qui se traînent, et des ombres qui s'avancent. C'était, j'en suis sûr, un dimanche. C'était, j'en suis sûr, en novembre. Et se détache une image, un visage, ton visage. Où allais-tu sur cette route, comme une armée en déroute? Et tout devient transparence, et tu deviens une absence. Tout me revient en mémoire, le ciel et novembre et l'histoire. Et les pas qui se rapprochent et s'avancent en cadence. Toi, où es-tu? Je te cherche. Où es-tu? Je te cherche. Toi, mon passé, ma mémoire. Toi, ressorti de l'histoire. Qui était, j'en suis sûr, un dimanche. En novembre. Ton visage, toi, sur cette route figée, et les ombres qui se rapprochent, et les ombres qui te frappent et t'emportent. Il me revient des images, ce village, ton visage, toi seul sur cette route. Et les pas qui se rapprochent, en cadence, en cadence. Oh, les illusions d'un système. La sirène hurlante étouffée par le béton qui n'atteindront plus personne. Pas de blague sur la tente, les menaces sont inutiles, les otages sont liés à la cause. Une étrange sympathie qui dérange leur établi, fait des bourreaux des victimes. Des sirènes hurlantes étouffées par le béton qui n'atteindront plus personne. Ouais, bien sûr. Pour n'en citer qu'un. Ouais, c'est ça. Mais je voulais le nommer. J'ai 10 questions et j'aimerais ta réaction. Je t'en prie, je t'en prie. Tu peux aller plus loin. Allons. Si tu étais un liquide. L'eau, c'est super. C'est, j'aime être limpide, j'aime être clair dans ce que je fais. Ah, c'est métaphorique en plus. Ouais, si possible. Ok. Aimes-tu jouer sur la métaphore? La métaphore, elle est la bienvenue quand elle apporte quelque chose, pas quand elle est gratuite. Quand okay, elle pas apporte... la métaphore pour la métaphore. Non, pas du tout. Alors, surtout pas. Par contre, la métaphore, quand elle apporte une vision poétique ou quand elle apporte quelque chose qui est aussi qui est étonnant. C'est-à-dire comme une métaphore qui n'a jamais été vue, par exemple. Se méfier des métaphores vues et relues et revues, etc. As-tu déjà écrit des paroles de chansons? Ouais, une fois, mais donc pour une chanteuse italienne qui chantait et en italien et en français. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle, sa carrière a un peu changé de direction et bah du coup, je les ai jamais entendues chanter mes chansons. Mais c'est quoi, Jeanne Masse, c'est qui? Non. j'aimais beaucoup Jeanne Masse, quand, je peux le dire, hein, mais quand j'étais gosse, j'adorais. Très féministe à l'époque. Ouais. Avant le temps, des années 80, ouais. C'était un charme fou, Jeanne Masse. Ouais. Non, c'est une jeune chanteuse qui joue dans un groupe qui s'appelle Naïf Erin. Ok. Voilà. Et elle ne chante plus ta chanson? Non, elle a jamais chanté mes chansons, okay. Mais j'ai écrit pour elle et elle en avait très envie. Pourquoi? Elle a changé de style en fait. Et fait surtout des reprises. D'envoyer tes textes. C'est tellement compliqué quand on n'a pas les connexions, quand on n'a pas les contacts avec les gens que. Que voilà, non, je vais pas écrire pour les envoyer comme des bouteilles à la mer en me disant il y en a un qui va saisir. Je pense que là c'est entrer dans un milieu particulier. Si il y a un chanteur, une chanteuse qui est intéressée, j'aimerais bien jouer le jeu à nouveau, mais j'ai pas envie de voilà quoi, d'envoyer mes textes et puis que ça qui est pas du tout. J'en suis capable, j'en ai même envie quoi, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien les défis. J'aime bien quand je suis attendue, j'aime bien quand on me propose quelque chose et j'aime bien voilà. Poésie. J'ai tenté d'en écrire au début, avant les romans. Et j'ai commencé dans l'écriture par la poésie en fait, par la forme courte et voilà. Et ouais, c'est ça. Mais j'essaie quand même au mieux de créer ma poésie dans mes romans, d'apporter ma poésie dans les romans. Est-ce que dans ce que tu écris à un moment donné, tu dis que ça c'est le moment fort, quelque chose qui me plaît, qui est juteux, qui... Ah, j'ai mes petites idées. Ouais, bien sûr. J'ai parfois certains passages où je sens que je suis en grande forme. Ça, je peux le sentir. Est-ce que tu vois aussi que le public accroche à la même place? Au contraire, ça passe... Alors, il y a les deux. Soit les gens, effectivement, ont repéré ces passages-là et t'en reparlent, etc. Soit ça passe passage. À... Ouais, soit, exactement. Okay. C'est très et étrange. Et quand tu relis les passages que les gens ont accrochés, est-ce que tu dis, c'est vrai que je l'ai peut-être échappé, celle-là? J'ai envie de dire, comme la réponse précédente, quoi, c'est les deux. C'est ça. Soit je comprends... Bon, je comprends... de toute façon, vu que c'est moi qui l'ai écrit, je suis toujours contente, mais... Bon, après... Ça peut parler à quelqu'un aussi, là, un texte. Et... Ouais, un moment de flottement. Pas de flottement, mais un moment qu'on trouve peut-être moins... Plus personnel, bon, ouais. C'est plus personnel. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment c'est saisi aussi, quoi. Parce que nous, on donne, et puis après, ce que les gens en font. Je crois que c'est lancé, là, tu peux rien, c'est le public qui... Ouais. Bah ouais, je crois que les chanteurs sont étonnés de savoir quelle chanson a fait tel tube, un tube, et tel autre, un flop, quoi. Et c'est pas parce que c'est pas... Ouais, c'est... Le tube n'amène absolument rien. Ouais. Après, c'est un mystère. Oui. C'est vraiment un mystère. Si tu étais une ville, J'aimerais bien être Rome. C'est, tu vois, parce que bon, je dirais Paris, c'est un peu trop facile, mais ouais, Rome, bah, c'est ouais, quand même. Ouais, mais Rome, elle est tellement merveilleuse. En plus, elle regroupe toutes les périodes, toute l'histoire, quoi. L'Antiquité, l'époque baroque. Elle est tellement magnifique, elle est tellement féerique. C'est une ville qui a beaucoup compté pour moi. Et tu la visites régulièrement ? Pas régulièrement, mais j'y suis allée plusieurs fois. Elle t'appelle, elle te parle. Je me sens bien. Je me sens bien. Tu te sens chez toi ? En tout cas, je pourrais y vivre, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu parles italien ? Alors, je parle très peu. Non, très peu. Comment tu fais pour être à l'aise dans une ville ? Je vis pas, mais si je m'y mettais, je pense que je pourrais parler italien. Bon, pour l'instant, en fait, c'est prévu. En fait, ouais, c'est prévu. Tu te sens dans une ville qui n'a pas le même langage que toi. Je m'y sens bien quand même. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Alors tu parles pas et. Si, je parle un petit peu, mais très peu, on va dire. Ouais. Mais c'est simplement que c'est une ville qui me. C'est une atmosphère, c'est une. C'est un style de vie qui me plaît. Okay. Donc. Et malgré la langue n'a pas d'importance. Ouais, mais en même temps, c'est de l'italien, si tu veux. Quand t'es français, y a quand même beaucoup de choses qui passent entre l'italien et le français. Ouais. Oui, mais bon, y a pas que ça. Enfin, si tu veux, c'est un peu une langue cousine, l'italien. T'as pas l'impression d'être dans une langue totalement étrangère. Enfin, tu vois, quand t'es français, tu peux quand même te débrouiller un petit peu. Et si tu étais une langue? Le proto-indo-européen. Pour revenir aux origines. Oui, c'est ça. C'est vrai? Je sais pas. Non, le russe, pourquoi pas. Mais je sais pas, je dis ça un peu au hasard, je sais pas trop. Le russe, c'est une langue projetée, t'aimes bien. C'est une belle langue, c'est une langue rude en même temps. Oui, oui. Et pleine de. Ouais. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup cette littérature en plus. Oui. Ouais. Puis ça, c'est qui aussi qui a écrit des chansons incroyables? Mm-hmm. Si tu étais une époque. Une époque. J'aimerais bien l'Antiquité, Sparte, l'Antiquité, tout ça. Pourquoi? Pour les gens de l'époque, pour les gens de l'époque, pour l'ambiance de l'époque. Pour la vie du corps, tu vois. La ville de Sparte à l'époque antique. Je trouve que ça fait rêver. Alors, c'est le côté sensuel de la fille qui parle. Ouais, c'est une espèce de beauté du corps, toute simple et toute archaïque. Ouais. Alors, t'aimes visiter les musées parce que ça t'a fait... Moi, j'en visite de temps en temps. Ouais. Ah, ouais. Si tu étais un mot. J'aime bien le mot conquistador. Ok. Qui n'est pas français, mais qui a été intégré dans la langue. Mais conquistador, je trouve ça magnifique. Sais-tu que. Mathieu Chédid, dans son premier album, a fait une chanson qui s'appelle Pakistan. Ouais, je connais, ouais. C'est très, bon, très bien. C'est très, très bien. Vrai, bon. Ouais, voilà, ouais. Vous avez raison. OK. Ouais. Si tu étais... C'est bon, parce que j'adore cette chanson-là. Ah ouais, c'est génial. Non, mais c'est un très beau mot. L'album qui s'appelle Baptême. Ouais, ouais. Mais il a beaucoup de talent. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est rendu méga vedette, inaccessible. Bien sûr. Si tu étais un aliment. Du pain. Parce qu'on ne s'en lasse pas. Jésus. Ah, c'est peut-être ça. On ne se lasse pas du pain. Ça ne dégoûte pas. Donc j'aimerais bien. Et ça nourrit beaucoup. Donc si ouais, et puis c'est à l'origine l'aliment de base. Pain et eau. Ouais. La vie éternelle. C'est ça. Ouais, c'est très chrétien. C'est soit très chrétien, soit très, très ouvrier. Mmh, oui, c'est ça, très pauvre. Ouais, c'est ça. Ils sont pas riches, les pauvres. Ça fait penser à Sade qui n'avait plus. Je crois qu'on lui avait enlevé son encre et il s'était comme blessé pour écrire avec son sang. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ben, c'est bien. C'est, ben, ça, l'image ça est belle. Ouais. Ça rappelle mon livre. Pardon? Ça rappelle Sans d'encre. Ah, oui, tu oui. te rappelles que. Ouais. Une histoire de tatouage et de sang. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça tombe bien. Oui, oui, oui. réalité que ça sert à rien, le patron l'a déjà fait, il a craché dessus. Allons, pas cracher, patron, il crache pas dans le plat. Allons, vieux, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats pendant ce temps. Je vois pas pourquoi il se ferait chier. Alors, je vous laisse manger, bon appétit. tu étais une saison. Une saison? J'adore le printemps, je suis née au printemps et comme tu le sais peut-être, les éphémérides, donc mon précédent livre, est très obsédé par l'équinoxe du printemps. Et donc, toi tu l'es par le féminin? Moi j'ai constaté que le printemps me convenait dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est souvent dans ma vie, j'ai constaté que c'est souvent au printemps que je faisais une rencontre amoureuse importante, par exemple, tout bêtement. Et la rupture a lieu quand? Ça varie. Ça varie selon les saisons. Okay. Si tu étais un membre corporel. Tu m'as dit le printemps. Ouais. En même temps, le printemps, c'est la diversité. L'hiver est terminé. Ouais. Donc, on est prêt. C'est la renaissance. Prendre. C'est ça, on est prêt à tout prendre. C'est pour ça qu'on est très fébrile. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est absolument. Mais c'est très, très animal et très organique, hein, ce que j'ai vécu. Quoi. Ouais, c'est bien. Ça n'a rien d'original. L'originalité. Non, pas à tout prix. Pas à tout prix. Voilà, exactement. Le dos. Hey, j'ai rencontré un chanteur tout à l'heure, ouais. Un Islandais, Peter Seale. Okay? Ah ouais? Puis il m'a dit le dos, c'est un musicien, donc il m'a dit le dos parce qu'il avait mal au dos. Ah ouais? Et j'ai dit, est-ce que c'est un dos mineur ou un dos majeur? Il dit non, il dit lui, il n'est pas entre les gammes, donc il m'a dit le dos. Et tu me dis le dos? Ouais, le dos, mais moi j'ai, pour l'instant je touche du bois, mais pour l'instant j'ai pas de problème de dos. Okay. Justement, je me fais assez quand. Tu as des problèmes de dos? Qui ça? Pardon? Ouais, tu as des problèmes de dos à l'origine? Non, j'en ai pas du tout, okay. Mais justement, je suis assez contente de mon dos. Ah, c'est vrai que toi, les maladies. Je suis assez contente de mon dos parce qu'il m'a bien. Il m'a positionné bien droite. Enfin, en tout cas, j'ai aucun reproche à lui faire. Et il a bien bossé. J'ai fait pas mal de natation, quoi. Donc en fait, il est. Tu me dis ça au passé. Ouais, j'ai quand même arrêté, mais voilà, j'en faisais assez sérieusement, quoi. Mais et du coup, ça. Non, pas du tout. Non, parce que je crois que j'ai un trop petit gabarit. Je fais 1m60 quand même. Bon, ça limite un peu. Des fois, c'est les pattes, hein. Ouais, mais bon. Donc, oui, vas-y. Non, mais c'est simplement que je peux compter sur lui, donc je suis assez contente, voilà. Ben, bravo à ton dos, hein, on l'applaudit. Ouais, exactement. Si tu étais un moment de la journée. 5h l'heure du thé. Ok. 5 o'clock. Si tu étais un autre individu. Un autre individu, oh là là. J'aimerais bien être Susan Sontag, magnifique intellectuelle. Celle qui a écrit en plus la mélodie comme métaphore, donc ça me parle. Ah oui, ok. Illness as a metaphor. Ça te rejoint. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire intellectuelle audacieuse, grande spécialiste de la linguistique, de l'art, très originale. Voilà. Par exemple. Ah, c'est bien. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui, je ne regrette rien. Comme Ispiaf. Ouais, exactement. Okay. Exactement comme elle. Avec les problèmes techniques, avec les problèmes de l'œil, les problèmes amoureux. Non, mais grosso modo, je ne changerai rien. Après, on peut peut-être faire quelques petits raccords. Peut-être que là, j'aurais. Ouais, exactement. Ouais. Mais dans les grandes lignes, je ne vais rien changer. Alors, tu es fière de ce que tu. Ouais, je suis plutôt contente d'en être là. Ouais. Ouais. Et dans l'avenir, tu travailles sur plein de trucs. Est-ce que tu as des visions, une vision de toi dans 10 ans, dans 15 ans? Surtout pas, ça me semble trop loin. Okay. Mais j'espère être. Alors, tu es une fille au jour le jour? Non, pas complètement, mais j'essaie d'avoir. J'essaie de penser à l'avenir, mais relativement. Enfin, à moyen terme. Ok. Moyen terme, c'est quoi, 5 ans? Ouais, et même 2-3 ans, hein, okay. On va dire. Mais si j'imaginais. Écoute, si je pouvais imaginer un peu plus long terme, j'aimerais. J'aimerais avoir une place plus stable et un peu moins financièrement précaire. Ok. Voilà, c'est tout, c'est des petits détails comme ça. Mais bon, là, j'ai la vie que je veux, mais c'est vrai que. Mais l'écriture, elle part en pauvre comme la danse. Voilà, comme la poésie. Exactement. C'est juste avoir un peu plus d'aisance dans sa vie, ça peut être agréable. Voilà, mais c'est ce que je souhaite, mais c'est pas. L'essentiel, c'est d'exister en tant qu'auteur, et ça, c'est absolument essentiel. Et voilà, c'est pas l'aisance aux dépens de la littérature, ça, c'est okay. sûr. Voilà. Okay. Et éventuellement, les salons du livre, tu les cours? Est-ce qu'on t'a fait appel? Ouais. Est-ce qu'on t'a demandé de venir à Montréal ou à Québec? Ah non, j'aimerais beaucoup. Mais pour la première année, j'avais fait une interview avec un Québécois. Et puis après, ça, je me souviens plus du tout. C'était... je me souviens plus du tout du nom. Et en plus, ça s'était bien passé. Mais voilà, c'était... Je pensais, il m'avait dit... Oui, on t'invitera, etc. Bon. Je constate que je n'ai pas été invitée, mais j'aimerais énormément. Rien n'est encore terminé. Ouais, bien sûr. Oula, oula. T'es tout jeune. Enfin, non, c'est... Oh oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben voyons. Et en plus, non, c'est tout à fait... peu important. Et non, j'aimerais beaucoup un jour. J'aimerais beaucoup un jour, mais voilà. Pour rencontrer un public aussi. Bien sûr. Mais j'en entends parler des gens, j'entends parler du Québec, j'entends parler de la... Voilà, quoi. Surtout que la francophonie au Québec est très, très, très, très importante. Ouais, bien sûr. Dû au fait qu'on est endormi par les Anglais, on veut rester vivace. Ouais. Et tout ce qui vient de la francophonie, la Suisse, la Belgique, la France, bien sûr, a sa place essentielle chez nous. Ouais, non, mais c'est vraiment une destination qui me fait rêver, ça c'est certain. Donc un jour j'espère, ça c'est ça. Bah, écoute, on te le souhaite. Merci. Puis, merci d'être passé à mon émission. Bah, merci à toi. Et je vais t'envoyer le lien de notre rencontre. Génial. D'ici un mois. Ah. Et tu en fais ce que tu veux. Ah ouais, ce sera autant diffusé. Dans la corbeille. D'accord, non, pas du tout. Pas du tout. Ton site c'est internet, un très bon moment. Oui, mais très, c'est très bon cas, c'est intéressant de parler avec des écrivains, avec des gens de lettres, puisque malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de place à la radio. Ouais, c'est vrai. Après, mais à France la télé Inter, non plus. Non, ouais, non, et puis même France télé, Culture, enfin, c'est... voilà, nous, c'est... plus là, donc l'intéressant est morte. Ouais, enfin, faut pas idéaliser trop Pivot non plus, mais... Non, mais en tout cas, il a fait beaucoup. Ouais, à une époque, ouais, il faisait des choses intéressantes. Aujourd'hui, puis, il est sur Twitter, donc c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais il y a un vrai travail pour défricher, en fait, aujourd'hui, qui n'est pas forcément fait, quoi, pour découvrir des nouveaux talents, etc., pour éviter de ronronner toujours avec les mêmes, voilà. Mais c'est... ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'en littérature, comme en musique, tu peux, à travers ton site internet, à travers... Ouais. Tu peux te faire connaître. Ouais, heureusement qu'on peut être relativement actif de ce côté-là, parce que... Il ne faut pas attendre les médias. Voilà, c'est ça. Pour éviter la passivité. Il faut croire à ce que l'on fait. Ouais. Donc, et puis, t'es vraiment très bien parti. Ça me fait plaisir. Et même, tu as raflé des prix. Donc, il y a des gens qui te reconnaissent. C'est, C'est vrai. Je suis étonnée moi-même après. On ne voit pas venir les choses. Et puis, c'est vraiment... En fait, on ne connaît pas trop l'image qu'on renvoie. Quoi. Dans les collines aussi. Ouais, on ne peut pas savoir. Ouais. C'est une fois âgé devant ta bibliothèque, tu vas choisir un livre au hasard et tu vas te rappeler des bons moments. À l'époque où... Parce qu'un livre est souvent consacré et replonge dans une vie amoureuse, une vie passée. Oui, bien sûr. Tu vas te replacer, tu seras la seule à le faire parce que le lecteur, lui, va comprendre ce qu'il a à comprendre et même lui aura un passé à travers ton livre. Ouais. Mais c'est son passé à lui, tandis que toi, tu connais les rouages, c'est comme les bonus. Nous, on les connaîtra jamais. À quand le roman bonus? Savoir quand tu l'as écrit, comment tu te sentais, avec qui tu étais, donc pouvoir même. Non, mais moi, je parviens à me souvenir de, par exemple, dans tel ou tel quartier que je traverse, ce que j'étais en train d'écrire à l'époque où je le traversais. Ah, t'es capable de faire ça? Ouais, parce que parfois ça. Mémoire est quand même pas si mal. Ouais, en fait, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez marquant. Ok, que ça t'illumine. Ouais. Donc, ça m'arrive à cette époque-là, j'écrivais tel livre ou C'est bon, c'est très bon. C'est amusant. Oui. Et ça te rappelle au mot? Un endroit te rappelle au mot, à l'écriture. Ben, Stéphanie, merci. Ben, merci à toi. À la revoyure. Ouais, comme on dit. Moi, j'adore cette phrase-là. Les gens sont figés, mais c'est la revoyure. Absolument. Merci. Merci.

Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.